إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن شرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف المعلوم وأشرف العلوم، وأزكاها العلم بالله سبحانه وتعالى. والحاجة إلى معرفة الله سبحانه وتعظيمه فوق كل الحاجات، بل هي أصل الضرورات. والله سبحانه وتعالى أقام آياته دليلا على ربوبيته وألوهيته، وهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته وكامل في صفاته وأفعاله. ومن صفات الله عز وجل الربوبية، ولا شريك له فيها، كما لا شريك له سبحانه وتعالى في الألوهية. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وهو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير، خالق ولا خالق معه، بديع السماوات والأرض، خلق فسوى وأحسن كل شيء خلقه، وهو سبحانه وتعالى الخلاق العليم. وكما بدأ الخلق سيعيده سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو أهون عليه. وكل من سوى الله لا يستحق العبادة، والله المستحق لها وحده، لأنه الخالق عز وجل. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وهو سبحانه وتعالى الملك والملك له، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ومالك لخلقه سبحانه، له ما في السماوات وما في الأرض، وجميع الخلق له قانتون ومسبحون، وكلهم له ساجدون. وهو السيد لا شريك له، والجميع عبيده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وله عز وجل الملك التام الدائم، مالك الدنيا ويوم الدين. وفي الآخرة يتجلى سبحانه وتعالى ويقول: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بقوله: لله الواحد القهار. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que la noblesse de la science réside dans la noblesse de ce qui est appris. Nul doute que la plus noble des sciences est celle qui est en rapport avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman a un besoin immense de connaître son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand de ses besoins, et c'est un fondement des plus capitaux. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que des signes prouvent à la fois sa seigneurie et le fait qu'il mérite seul subhanahu wa ta'ala d'être adoré sans rien ne lui associer. Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans son essence, dans ses attributs et dans ses actes. Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des mondes, et nul n'est associé à lui dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique et la seule divinité qui mérite d'être adorée. Il dit subhanahu wa ta'ala, dit: chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à avoir créé. C'est le seul roi. C'est le seul qui donne la pourvoyance. Et c'est le seul qui contrôle l'univers, subhanahu wa ta'ala. Il est le créateur, point de créateur en dehors de lui. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et qui les a créés de la plus belle et de la plus parfaite des façons. De la même façon qu'Allah Azza wa Jal a commencé la création, eh bien, il recommencera une nouvelle fois, subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection. Tout ce qui est en dehors d'Allah ne mérite aucunement d'être adoré. Il dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, celui qui a créé est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous rappelez-vous donc pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala est le roi et il possède toutes choses. Il dit Azza wa Jal selon le sens, tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de datte. Allah subhanahu wa ta'ala possède l'ensemble de ses créatures. Il possède les cieux et la terre et tout ce qu'elle contient, et tout ce qu'il contient et tout ce qu'il y a entre eux, et l'ensemble de ses créatures, subhanahu wa ta'ala, sont soumises à lui, proclament sa louange, et ils se prosternent tous devant son immensité, azza wa jal. Allah, azza wa jal, est le maître absolu, et le reste est serviteur d'Allah, azza wa jal. Il dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en tant que serviteur. Allah Azza wa Jal a le royaume absolu. C'est le roi de cette vie d'ici-bas et du jour de la rétribution. Et dans l'au-delà, il dira, subhanahu wa ta'ala, qui appartient le royaume aujourd'hui? Et il répondra, Azza wa Jal, à Allah l'unique, le dominateur suprême. وانفرد الله سبحانه وتعالى بتدبير شؤون خلقه وملكه فالأمر كله بيده وحده ألا له الخلق والأمر يأمر وينهى ويخلق ويرزق ويعطي سبحانه وتعالى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر وقال عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وجميع الخلق تحت قهره ومشيئته تحت قهره ومشيئته وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره قائم عز وجل على كل نفس بما كسبت والسماء والأرض قائمة بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماوات والأرض أن تزولا لا تتحرك ذرة في الكون إلا بإذنه فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا دافع لمراده ولا مبدل لكلماته قدر سبحانه وتعالى الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ولو اجتمع الخلق على شيء لم يكتبه الله ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا على ما هو كائن ليمنعوه لم يقدروا عليه ولو اجتمعت الأمة على ضر عبد والله لم يرد ضره لم يضروه ولو اجتمعت على نفعه والله لم يأذن بنفعه لن ينفعوه يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul, l'unique, qui administre les affaires de ses créatures et son royaume, azza wa jal. Ainsi, l'ensemble du commandement lui appartient, subhanahu wa ta'ala. Il dit, azza wa jal, à lui la création et le commandement. Il ordonne, azza wa jal, et il interdit. Il crée, il donne la pourvoyance. Il donne comme il prive. Il élève comme il rabaisse. Il donne la puissance comme il humilie. Il donne la vie et donne la mort. Subhanahu wa ta'ala. Il enroule la nuit dans le jour. Et il enroule le jour dans la nuit. Et il a mis à disposition le soleil et la lune. Il fait sortir le vivant du mort. Et fait sortir le mort du vivant. Et fait revivre la terre après qu'elle soit morte. L'ensemble de ces créatures sont sous son commandement et sous sa volonté. L'ensemble des créatures sont sous son commandement et son bon vouloir, subhanahu wa ta'ala. Il observe ce que chaque âme acquiert. Et il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra, subhanahu wa ta'ala. Il retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Nulle chose ne peut bouger dans cet univers sans son autorisation. Ce qu'il veut a lieu et ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Il crée ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, et il fait ce qu'il veut, azza wa jal. Nul ne peut priver lorsqu'il donne. Et nul ne peut donner lorsqu'il prive. Nul ne peut s'opposer à son jugement. Et nul ne peut rejeter son commandement. Nul ne peut repousser la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul ne peut changer sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété l'ensemble des événements avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. Et si l'ensemble des créatures se réunissaient sur une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrétée, afin que celle-ci ait lieu, ils n'auraient pas la possibilité de la porter. Et si l'ensemble des créatures se réunissaient sur une chose existante, afin de l'en empêcher, ils ne pourraient l'en empêcher sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si l'ensemble de la communauté se réunissait pour offenser un serviteur, alors qu'Allah azza wa jalla ne veut pas de mal pour lui, il ne pourrait lui faire aucun mal. Et si l'ensemble de la communauté se réunissait pour apporter un quelconque bénéfice à un serviteur, alors qu'Allah azza wa jalla ne l'a pas autorisé, il ne pourrait lui apporter aucun bénéfice. Il guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala, par sa bonté, et il égare qui il veut par sa justice. Lorsqu'il veut une chose, il lui dit « sois et allez ». Et Allah azza wa jal n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais ses serviteurs seront questionnés. « Kalamuhu ahsanul kalam, la bidayata li kalimatihi wa la nihayata laha ». ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وعلمه تعالى وسع كل شيء فيعلم ما كان وما لم يكن وما لا يكون ويعلم عز وجل ما فعله الخلق وما سيفعلونه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا يعزب عنه أي لا يغيب عنه عز وجل مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء يعلم ما هو غائب عنا وما هو شاهد ويعلم ما توسوس به النفوس وما تنطوي عليه خبايا الصدور ويعلم عز وجل ما تحمله الأنثى في البطون ومفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سمعه وسع الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه اشتكت امرأة زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تعين في ناحية من البيت ويخفى بعض كلامها والله من فوق سبع سماوات سمع كلامها وأنزل عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وبصره أحاط بجميع المرئيات فأفعل العباد في ظلمات الليل لا تخفى عليه وكل أعمالهم هو لها بالمرصاد ولأن الخلق خلقه فالحكم سبحانه وتعالى له وحده إن الحكم إلا لله وأحكامه وحدوده وتشريعاته عز وجل خير الأحكام ولا أحسن منه حكما وهو خير الحاكمين يحكم ولا معقب لحكمه ولا يظلم ربك أحدا. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la parole d'Allah Azza wa Jal est la plus belle des paroles. La parole d'Allah Azza wa Jal n'a ni début ni fin. Il dit Azza wa Jal selon le sens, quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en plumes, et quand bien même l'océan serait un océan d'encre, où confluerait cet autre océan, la parole d'Allah ne s'épuiserait pas. Et la science d'Allah Azza wa Jal englobe toute chose. Il sait ce qui a lieu, il sait ce qui a eu lieu, et il sait ce qui n'a pas eu lieu. Il sait, subhanahu wa ta'ala, ce que font ces créatures, et il sait ce que ces créatures vont faire. Il sait tout ce qu'il y a sur terre, comme sur mer. Il n'y a pas une feuille d'un arbre qui tombe, sans qu'Allah Azza wa Jal ne le sache. Rien n'échappe au contrôle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans cet univers, même si cette chose est semblable à la taille d'un atome. Allah Azza wa Jal sait ce qui nous est invisible et ce que nous constatons. Allah Azza wa Jal sait ce que les âmes suggèrent. Et il sait, subhanahu wa ta'ala, les secrets renfermés dans les poitrines. Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans le ventre des femmes enceintes. Et Allah Azza wa Jal détient les clés de l'invisible. Nul ne les détient en dehors de lui. Il entend tous les sons, subhanahu wa ta'ala, et ces sons ne se mélangent pas pour lui, Azza wa Jal. Une femme s'est plaint à son mari, s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son mari, Aïcha radiallahu anha, qui était dans cette même maison, n'a entendu qu'une partie des paroles de cette femme. Allah Azza wa Jal, qui est au-dessus des sept cieux, a entendu la parole de cette femme et a révélé, subhanahu wa ta'ala, sa parole. Allah a certainement entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son mari et qui se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation. Allah Azza wa Jal voit toutes choses. Il voit les agissements de ses serviteurs dans les nuits les plus sombres. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Et parce que la création est la création d'Allah, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui possède le jugement seul. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et les jugements d'Allah et la législation d'Allah, azza wa jal, sont les meilleurs des jugements et les meilleurs des législations. Il n'y a pas un jugement meilleur que le jugement du meilleur des juges, subhanahu wa ta'ala. Il juge et nul ne peut repousser son jugement. Et ton Seigneur n'offense personne. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم اعلموا أيها المسلمون أنه لا أرحم من الله عز وجل فهو أرحم الراحمين أرحم من الوالدة لولدها أرحم من الوالدة بولدها ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء له عز وجل مئة رحمة أنزل واحدة يتراحم الخلق فيما بينهم وأمسك عنده 99 جزءا وهو كريم عز وجل لا أكرم منه يحب الإحسان والعطاء لخلقه يرزقهم من فوقهم ومن تحتهم فضله عظيم وخزائنه لا تنفد قل من يرزقكم من السماوات والأرض لا يرد دعوة للعباد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولا تتعاظمه حاجة أن يعطيها ولو أن العباد أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وهو عز وجل قريب مجيب لا يرضى أن ترفع الحاجات إلى غيره ومن لم يسأله يغضب عليه والمحروم من طمع بغير ربه عز وجل وهو عز وجل شكور يجزي على القليل الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة وأعد لعباده في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يزال يسترضيهم عز وجل فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول عز وجل أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عنكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا رواه البخاري. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'il n'y a pas plus miséricordieux qu'Allah Azza wa Jal. C'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il est plus miséricordieux qu'une femme ne l'est envers son enfant. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal est aussi vaste, englobe toute chose. Il a, subhanahu wa ta'ala, 100 miséricordes. Il a descendu une seule partie de ses miséricordes. Et c'est par cette seule et unique partie que ces créatures font preuve de miséricorde les uns envers les autres. Et il a gardé auprès de lui, Azza wa Jal, les 99 autres miséricordes. Allah Azza wa Jal est le généreux. Il n'y a pas plus généreux que lui, subhanahu wa ta'ala. Il est bienfaisant envers ses serviteurs. Il leur donne la pourvoyance qui leur vient de dessus eux et d'en dessous eux. Et les mérites et les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur eux sont immenses. Et son royaume ne s'épuise jamais. Dit, qui vous donne la pourvoyance dans les cieux et dans la terre. Allah Azza wa Jal ne rejette pas l'invocation de son serviteur. Il dit Azza wa Jal selon le sens. Et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, dis je suis proche et j'exauce l'invocation de l'invocateur lorsqu'il m'invoque. Il n'y a pas une demande qui est trop grande pour qu'Allah Azza wa Jal ne puisse l'accorder. Et si l'ensemble des serviteurs du premier au dernier, les djinns comme les humains, se réunissaient dans une seule et même place et que chacun demandait à Allah Azza wa Jal ce qu'il souhaite, et qu'Allah Azza wa Jal donne à chacun sa demande, eh bien cela ne diminuerait en rien dans le royaume d'Allah que comme une aiguille diminue de l'océan lorsqu'elle est plongée et relevée. Allah subhanahu wa ta'ala est le tout proche, celui qui exauce, et Allah Azza wa Jal n'aime pas que l'on demande à autre que lui. Et celui qui ne demande pas Allah Azza wa Jal, Allah se courrouce contre lui. Celui qui est privé est en réalité celui qui espère d'autre que son Seigneur. Allah Azza wa Jal est reconnaissant. Il donne de nombreuses et grandes récompenses pour des actes qui sont accomplis en petite quantité. Et Allah Azza wa Jal multiplie la bonne action par 10 et il la multiplie par des multiples bien nombreux. Allah Azza wa Jal a préparé pour ses serviteurs dans le paradis, ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur n'a ressenti. Et Allah Azza wa Jal ne cessera de demander à ses serviteurs qui seront au paradis, Il ne cessera de leur demander à Zawajel s'ils sont satisfaits. Il leur dira, êtes-vous satisfaits? Ils répondront, et comment ne serions-nous pas satisfaits alors que tu nous as donné ce que tu n'as pas donné à tes autres créatures? Et Allah Azzawajal dira, je vous donne meilleur que cela. Ils ont dit, ils diront, ô Seigneur, et quelle chose est meilleure que celle-ci? Il a répondu, il dira, subhanahu wa ta'ala, vous avez ma satisfaction, je ne serai jamais courroucé contre vous. Rawahu al-Bukhari. ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره سبحانه وتعالى معصية العاصين لو كان الإنس والجن على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكه شيئا لن يبلغ العباد نفعه فينفعوه ولن يبلغوا ضره فيضروه أيها المسلمون أفلا يجب علينا أن نحب ربنا عز وجل الذي هذه صفاته وأفعاله وأن نحمده عز وجل ونثني عليه ونخلص له العبادة ومن عرف الله عز وجل اقترب منه وخضع له وذل له سبحانه وتعالى ورجى ثوابه وخاف عقابه وأنزل به حاجته وتوكل عليه ومن مدح الله وأكثر من ثنائه ارتفع فلا أحد أحب إليه المدح من الله لذلك مدح الله نفسه ومن أحب الله وعبده أحبه الله ورضي عنه وأدخله الجنة قال الله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que l'obéissance des obéissants n'apporte rien à Allah, de même que la désobéissance des désobéissants ne cause aucun préjudice à Allah. Si l'ensemble des djinns et des humains étaient réunis dans le cœur du plus pieux des hommes, cela n'ajouterait rien au royaume d'Allah. Et si les anges, et si les djinns et les humains se réunissaient dans le cœur le plus pervers d'un homme, cela ne diminuerait en rien le royaume d'Allah. Les serviteurs n'ont pas le moyen d'apporter un bénéfice à Allah, de même qu'ils ne peuvent lui apporter et qu'ils ne peuvent lui causer aucun préjudice. Subhanahu wa ta'ala, chers musulmans et musulmanes, il est donc de notre devoir d'aimer notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur dont les attributs sont ceux que nous venons de citer, notre Seigneur dont les actes sont ceux que nous venons de citer. Nous devons être reconnaissants envers notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Nous devons lui faire les éloges et nous devons lui vouer exclusivement et de façon sincère toutes nos invocations et toutes nos adorations. Et celui qui connaît Allah se rapprochera de lui, et celui qui connaît Allah et se rapproche de lui s'humiliera devant son immensité, subhanahu wa ta'ala, espérera sa récompense, redoutera son châtiment et placera sa confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait les éloges de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla l'élèvera. Car Allah Azzawajal aime que l'on fasse ses éloges. Et c'est pour cela qu'il a fait ses propres éloges, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui aime Allah, Allah l'aimera et sera satisfait de lui et le fera entrer dans son paradis. Allah Azzawajal dit son le sens. Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le. Voilà le droit chemin. Nasallu Allah Azzawajal an yufaqihana fi dinina. وأن يعلمنا ما جهلنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم فرج عنهم. اللهم فرج عنهم. اللهم فرج عنهم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.